Difficile de caser de la lecture dans votre emploi du temps? Avec l'appli Audible, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Romans, polars, coaching ou jeunesse, écoutez-les sur votre smartphone. N'attendez plus. Téléchargez l'appli Audible, le premier livre audio est offert. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On ne peut pas dire que la langue d'écriture de Samuel Beckett était l'anglais ou le français, ni même l'anglais puis le français. Elle était à la fois ces deux langues, ce qui fait de lui un écrivain tout à fait singulier, resté profondément irlandais, même s'il a passé la plus grande partie de sa vie dans l'Hexagone. Singulier, il l'est d'ailleurs à de nombreux titres, tout comme son œuvre d'ailleurs si originale qu'elle ne s'appréhende pas si facilement, alors même qu'elle exerce son charme sans effort sur le lecteur qui accepte de se laisser faire. Nous allons donc passer 4 jours en compagnie de Samuel Beckett avec demain un parcours de l'œuvre qui interrogera justement cette question du bilinguisme mais racontera aussi les premiers romans de l'écrivain. Tandis que mercredi, nous nous attarderons sur son théâtre, ce sera avec Catherine Nogrette. Et enfin jeudi, c'est de son rapport aux arts plastiques, à la radio et à la télévision dont il sera question. Nous serons pour ce faire avec Guillaume Gévray. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de Samuel Beckett et poser déjà aussi quelques jalons dans la compréhension de son œuvre, nous sommes avec vous, Nathalie Léger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'IMEC, l'Institut des mémoires de l'édition contemporaine. Vous écrivez vous-même des récits comme par exemple « La robe blanche » aux éditions POL qui était consacrée à l'artiste italienne Pippa Bacca qui a été violée et assassinée sur la route de Milan à Jérusalem en 2008. C'est un récit que vous avez publié l'an dernier chez POL qui a reçu le prix Wepler. Mais si on vous invite aujourd'hui pour parler de Beckett, c'est à cause de ce livre que vous avez publié chez Alia, Les vies silencieuses de Samuel Beckett. C'est un livre qui traite de la vie de l'écrivain et dramaturge, mais ça n'est pas à proprement parler une biographie. C'est peut-être déjà très difficile de faire une biographie de Beckett, Nathalie Léger. Elles existent. Elles existaient. Alors, il y en a une officielle ? Il y en a une officielle. On peut quand même compter sur, admettons qu'on puisse l'appeler l'officieuse, celle de d'Herbert. Elle a été très critiquée. Elle l'est peut-être, critiquable. Je ne sais pas. Elle a porté beaucoup d'éléments déjà. Et il y a bien sûr la biographie de James Nolson chez Actes Sud-Solin, voilà, mm-hmm. Qui est une somme extraordinaire, hein, et riche de détails, et dont le cours publié après la mort de Beckett, c'était ce qui était tout à fait prévu avec lui-même, mais dont le cours a été accompagné par Beckett et nourri ici et là. Alors vous, c'est pas ça que vous avez voulu faire, précisément parce que c'est une biographie quand même un petit peu éclatée, avec peu de moments sur lesquels on a prise, et vous avez voulu, peut-être aussi en spécialiste de Barthes, que vous êtes par ailleurs, faire une biographie un peu sous forme de biographème. Est-ce que ça lui correspond bien à Beckett ? Oui, vous avez raison, c'est vrai. La forme qui s'est imposée, je devrais dire plutôt que je ne l'ai choisie, la forme qui s'est imposée, c'est quelques interstices, d'explorer quelques interstices dans cette vie très impressionnante. Hein. C'est vrai que c'est bien parce que j'étais plongée dans Beckett, dans la lecture de Beckett, notamment pour la réalisation, la conception et la réalisation de l'exposition Samuel Beckett que Marianne Alphand et moi avons fait au Centre Pompidou en 2007. On sortait de Barthes d'ailleurs, et j'étais plongée dans l'œuvre, dans la biographie, mais aussi dans la découverte des lieux où sont conservées ses archives. Donc plonger dans une matière énorme de faits, mais d'écriture d'abord, la sienne, et voulant peut-être éclairer certains aspects qui ne pouvaient l'être dans un parcours d'exposition, la forme s'est imposée par bribes, par éclats. Elle s'est imposée à moi sous la forme de ces vies silencieuses. Est-ce que Barthes s'est intéressé à Beckett ? Est-ce que Beckett s'est intéressé à Barthes ? Pas sûr. Non, je crois, je n'ai plus le souvenir exact. Je pense qu'il y a une grande... une sorte, pas de grand écart, mais en tout cas, non. Pas d'intérêt réciproque à ma connaissance, mais peut-être qu'il faudrait se replonger dans Knowlson ou dans les biographes de Barthes pour le détailler. Mais il faut reconnaître que, au fond, dans une œuvre comme une autre, je n'établis aucun parallèle, aucune comparaison, mais il y a quand même un principe cher à Barthes, mais que Beckett me semble avoir incarné en toute chose, qui est celui d'un art de la nuance. Pourquoi de la nuance ? Oh, je crois que... mais ne continuons pas sur la comparaison des deux, je ne crois pas qu'elle soit... Mais dans le cas de Beckett, qui est le nôtre aujourd'hui, c'est vrai que c'était, je m'appuie sur tous les témoignages, hein, c'était un homme d'une intelligence, d'une délicatesse de pensée, d'une attention à l'autre, d'une justesse, d'une droiture, et tout dans sa loyauté à l'égard des gens comme à l'égard de l'existence, et peut-être aussi à certains moments de sa vie, il l'a montré, de l'histoire, qui a su dans cette droiture, alors dans cette grande rigueur, faire toujours la part de la délicatesse. Alors la délicatesse, c'est un mot barthésien justement. Les vies silencieuses de Samuel Beckett, c'est donc le nom, le titre de votre livre. Pourquoi silencieuse ? C'était un homme qui justement ne parlait pas. Alors, il était assez taciturne, oui, et réservé, et capable, dit-on, d'énormes, immenses mais énormes, de même selon certains, de pesants silences. Mais c'est surtout, c'est moins sa capacité propre, les deux sont peut-être liés, mais que le projet même dans l'écriture de poser le silence, de traiter la question du silence, d'épuiser le silence et en même temps de ne cesser de l'inscrire au cœur de la parole. Son œuvre est pleine d'Irlande. La géographie de son œuvre est en grande partie irlandaise, c'est-à-dire que sa jeunesse ne l'a pas quittée. L'Irlande de la jeunesse de Beckett des années 20 et du début des années 30 était un pays répressif et un pays et retardataire et un pays qui a produit de grands artistes, de grands écrivains et qui ont tous quitté l'Irlande. Oscar Wilde, George Bernard Shaw sont tous partis. Beckett, au moment de la quand la guerre a éclaté, la Deuxième Guerre mondiale, il était à Dublin en visite à sa mère. C'est d'ailleurs la dernière fois avant sa mort. Et quand la guerre a éclaté, il a décidé tout de suite de rentrer en France, disant, c'est célèbre, qu'il préférait la France en guerre à l'Irlande en paix. Préférer la France en guerre à l'Irlande en paix, cela signifie, Nathalie Léger, avoir des rapports ambivalents avec son pays d'origine. On va en parler, mais d'abord il faut redire qu'il est né le 13 avril 1906. Est-ce qu'on est sûr que c'est le 13 avril 1906? Oui, il y a eu, comme c'est un vendredi saint, il y a eu plusieurs hésitations, l'idée que peut-être il avait construit cette petite fiction, mais non, il semble bien. Pourquoi est-ce qu'il aurait construit cette fiction? Il y a quelque chose de spirituel dans l'envie de Beckett d'être né le vendredi saint? Le jour d'une crucifixion, peut-être, mais tout ça est assez fugitif. N'a pas grande importance, mais vous avez raison de le mentionner parce que ça fait partie de ces facéties aussi qui entourent la manière de peut-être qu'il a lui-même de raconter sa vie, avec quand même beaucoup de sobriété, et l'humour qui est le sien. En tout cas, un 13 avril 1906, dans le sud de Dublin. Donc c'est « The Birth ». Difficile de prononcer ce mot en anglais « birth ». Difficile aussi de le traduire en français. Beckett, qui traduisait aussi d'autres auteurs, avait eu des difficultés avec ce mot de naissance, parce qu'il était très difficile de reproduire la douce et très provisoire intrusion de la langue entre les dents, écrivez-vous dans votre livre, Nathalie Léger. C'est au fond un auteur qui est, on le dit, c'est vrai, tous ses textes le confirment, dans la plus grande des abstractions, mais qui n'a jamais cessé de nourrir ce puissant formalisme dans la langue, des événements les plus intimes, les plus immergés, les plus incarnés de sa propre existence. Alors oui, ce mot de naissance, tout ce qui a pu tourner autour de sa relation à la mère, bien sûr. Et là, on voit bien dans ce simple mot ce qui relie à la fois la mère et la langue, et cette attention portée à la façon dont un mot peut engager une idée. Donc la naissance est irlandaise. L'Irlande qui est un pays qui l'a, par certains aspects, exaspéré, qu'il va donc quitter. Mais quel était quand même son rapport avec son pays de naissance ? Au fond, il faut quand même rappeler pour nos auditeurs que c'est une enfance heureuse dans une bourgeoisie assez cossue. Donc, dans une grande maison. Au sud de Dublin, dans une maison que son père a construit en hommage aux maisons passées de la famille de son épouse. Et donc Bill Beckett et sa femme May vivent là avec leurs deux enfants. Maison, voilà, haute cheminée, argenterie, un peu de personnel de maison, le bois ciré. Une enfance donc apparemment heureuse et sans doute nouée de grandes tensions, ce qu'on appelle une famille aussi. Beaucoup de sports, hein. La nage, le tennis, cricket. Le cricket, la boxe, beaucoup de sports. Avec son frère notamment. Avec son frère, oui, le Frank qui a 4 ans de plus que lui. Le père aime les clubs et... Voilà, une enfance de plein vent aussi, de longues promenades sur la lande, de plongeons dans une mer glacée dans la baie de Dublin. Une enfance donc heureuse, pourrait-on dire, sur le papier. C'est vrai qu'elle est marquée par une relation d'amour puissante avec sa mère, May Beckett, infirmière. Puissante, vous voulez dire trop puissante ? Sans doute, en tout cas... Tout dans la biographie le laisse penser, et Beckett l'a beaucoup dit aussi. Il a dit combien sa mère était une femme pleine de colère rentrée et animée d'un amour féroce. Et c'est sans doute cette relation qui l'a conduit à ne pas cesser pendant de très nombreuses années, avant de se fixer en France justement, à parcourir à un rythme assez fou les trajets, enfin à ne pas essayer de passer de Dublin à Londres, de Londres à Paris, de Paris partir pour arpenter l'Allemagne, puis revenir à Dublin, repasser par Paris, une manière de fuir et de sans cesse revenir, sans doute autour du pôle de cette mère si importante. Cette mère dont vous dites qu'elle avait de la gueule, qu'elle avait du chic, qu'elle avait toujours un chien entre les jambes et un autre parfois qui, comme ça, lui courait devant aussi elle. Aussi sous le coude, enfin, les photos sont très éloquentes hein, de ce qu'était cette femme, alors bien sûr, protestante, hein, on ne l'a pas dit, mais c'est une famille protestante. C'est important, ça ? Oui, c'est important. Le père et la mère le sont. Le père d'origine huguenote, donc de protestant français, dans une lointaine ascendance. C'est important dans une Irlande catholique. Et cette mère témoigne de tout son corps, de sa rigueur et de sa forte volonté. Ma mère me voyait volontiers. C'est-à-dire qu'elle me recevait volontiers, car il y avait belle lurette qu'elle ne voyait plus rien. Je m'efforcerai d'en parler avec calme. Nous étions si vieux, elle et moi. Elle m'avait eu si jeune que cela faisait comme un couple de vieux compères, sans sexe, sans parenté, avec les mêmes souvenirs, les mêmes rancunes, la même expectative. Elle ne m'appelait jamais fils, d'ailleurs je ne l'aurais pas supporté, mais Dan, je ne sais pourquoi, je ne m'appelle pas Dan. Dan était peut-être le nom de mon père, oui. Elle me prenait peut-être pour mon père. Moi, je la prenais pour ma mère et elle me prenait pour mon père. Dan, tu te rappelles le jour où j'ai sauvé l'hirondelle? Dan, tu te rappelles le jour où tu as enterré la bague? Voilà de quelle façon elle me parlait. Je me rappelais, je veux dire que je savais à peu près de quoi elle parlait. Et si je n'avais pas toujours participé personnellement aux incidents qu'elle évoquait, c'était tout comme... sur France Culture, et cet extrait du roman Molloy de Beckett lu par Denis Podalydès. Il y a beaucoup de mère dans la littérature de Beckett, Nathalie Léger. Non, il y a beaucoup de figures de l'enfance, oui, la mère bien sûr, incontestable, enfin, jusqu'à la fin, il lui a, au fond, il a dit la vérité de leur relation dans ses textes, il n'a pas cessé de le dire. Mais ça n'était aussi sans doute que le moyen de dire, de décrire sa position dans l'existence. Et le moyen de sa mère n'était pas le seul, loin de là. Et ce qui est très frappant, c'est que, au fond, là, on l'entend dans Molloy, mais dans Compagnie, au début des années 80, dans les années 60 et même inversement beaucoup plus tôt, il ne cesse pas de parler, d'immiscer les souvenirs. Et puis bientôt aussi la question des chers disparus, ses morts, mais en tout cas son enfance, la matière de son enfance dans ses textes. Et il ne cesse pas aussi de dire, il le dit dans Malone, je ne peux rien dire qui ne soit vrai, c'est-à-dire, je veux dire, qui ne me soit déjà arrivé. Et je ne fais pas la différence, mais c'est pas très grave. Donc on peut déjà évoquer la question de l'autobiographie chez Beckett. Est-ce que l'œuvre de Beckett, notamment dans ce rapport à sa mère, c'est une œuvre dans laquelle il est lui-même toujours très présent? Quel est votre sentiment? Parce que c'est vrai que c'est difficile d'aborder directement cette question comme ça. C'est un si grand écrivain qu'il me paraît difficile de le réduire, pas ce que vous engagez, mais... de trop le rabattre à sa biographie. Chateaubriand aussi a utilisé la matière de sa vie pour créer une œuvre qui excède la question de ce mot à la fois si flou et si étroit que l'est le mot Mais par exemple, les paysages d'Irlande, est-ce que vous les voyez dans sa littérature, dans son théâtre, ou est-ce que pour vous c'est abusif? Disons abusif, non, mais ce serait le limiter. Pour quelqu'un qui a su inventer dans la langue tant de beauté, tant de fracas prosodiques au service de quelques grande configuration d'existence, pour un projet aussi immense, aussi tâtonnant, aussi à la fois douloureux et victorieux, ce serait peut-être trop restrictif, tout simplement. Alors, il faut continuer à tâtonner avec Beckett, parce que il tâtonne en même temps que Giacometti, écrivez-vous, Nathalie Léger, vers la même chose. Je le dis parce que vous évoquez les chats disparus, le père de Beckett est mort en juin 1933, exactement comme le père de Giacometti, tous deux donc tâtonnent vers la même chose. Mmh. Vers quoi ? Eh bien, peut-être ce qu'on peut faire avec les morts, c'est une hypothèse. C'est-à-dire trouver dans la forme l'abstraction. C'est aussi le cas de Giacometti à cette époque-là. L'abstraction qui permettra de dire qui était ce père, quel était le retentissement en chacun d'eux. Ce père tellement aimé, justement, dans le cas de Beckett, avec qui il allait se promener. Ce père qui, vous l'avez évoqué, mais sans aller tout à fait au bout de l'anecdote, qui l'encourageait à sauter dans l'eau alors qu'il avait peur de sauter. Et puis ce père qui est quand même le contrepoint de la mère aimée, mais enfin, problématique quand même. Ce père qui, en mourant, lui dit « bats-toi, bats-toi ». Et je pense aussi, par exemple, enfin, ça n'a rien à voir, mais soudainement, à ce que la mère de Virginia Woolf lui dit en mourant. Ce sont des viatiques. Voilà. Mm-hmm. Ce viatique, il faut en faire quelque chose. Et peut-être que ce que j'appelle, sans doute maladroitement, mais l'abstraction, en pensant notamment à l'œuvre que Giacometti a fait autour du visage de son père, dans ces mêmes années, 33, ça me paraît être une issue. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'éducation de Samuel Beckett, de ses années d'école? Je crois qu'il a été d'abord avec son frère dans une école privée auprès de Miss Ida Elsner. Voilà, quand ça c'est, je dirais pas, oui, les toutes premières années, ce qu'on appellerait le primaire. C'est un élève qui a toujours été réservé, protégé par son frère aîné. Puis quand il va, ce qui serait un équivalent du collège ou du lycée, il a 14 ans, en Irlande du Nord, il devient pensionnaire à la Portora Royal School. Alors est-ce que c'est là où Oscar Wilde avait également été élève? Oui, Oscar Wilde est un de ses prédécesseurs brillants, donc un établissement très rigoriste, en tout cas rigoureux. Il a toujours été un élève à la fois sérieux, certains disent très brillant. C'est pas sûr, si on regarde un petit peu le fond de la biographie, mais en tout cas avec un goût marqué pour la littérature. Sa réserve, mais son tempérament frappe déjà beaucoup. Bien sûr, le goût du sport, ouais. Mais il faut attendre Trinity College quand il a 17 ans. Donc l'université, la grande université de Dublin. Voilà. Pour que quelque chose s'engage vraiment dans son rapport au savoir, qui est quelque chose de majeur. Hein. C'est un écrivain érudit. Je suis pas sûre que ce soit. Pas sûr qu'il aurait aimé le mot. Il faut faire très attention à tous les mots qu'on emploie avec Beckett. C'est ça qui est un peu difficile parfois. Enfin, un grand lecteur toujours. Il savait beaucoup de choses. Il a parlé beaucoup de langues et il avait. Il n'était peut-être pas érudit, mais en tout cas, il avait une érudition incontestable. Mais d'ailleurs, il va partir avec sa mère en voyage aussi, à l'âge de 29 ans, sur les traces des écrivains anglais. La maison de Jane Austen, de Shakespeare. Oui, bien sûr. Il fait, dans ses années de Trinity College, donc, il rencontre quelqu'un qui va être tout à fait important, qui s'appelle Thomas Rodmose Brown, qui est le directeur du département des langues romanes. Et là, il va plonger avec cette personnalité qui est assez tonitruante et qui va beaucoup compter pour lui. Hein. Il va plonger dans la littérature, et notamment la littérature française, Ronsard, Louise Labbé, Racine, et avant Racine, Maurice Sève, enfin bon, mais aussi Henri de Régnier, Verlaine ou Proust. Tout ça paraît à la fois éclectique, mais c'est un bain de langue, de texte. Puis il y a l'italien. Et Dante aussi. Bien sûr, voilà. Par ailleurs, il apprend avec une professeure qu'il a beaucoup aimée aussi, qui s'appelle Bianca Esposito. Il apprend l'italien et il découvre l'œuvre de Dante. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel, au fond, enfin, c'est d'abord une lecture qui l'a accompagné toute sa vie. Mais jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière maison de soins dans laquelle il a été, vraiment jusqu'à la fin, la lecture de la Divine Comédie l'a accompagné. Et d'une certaine manière, on pourrait mesurer, certains l'ont fait, l'ensemble de son œuvre à cette Divine Comédie et au cercle concentrique. Et finalement, peut-être que dans le noir de lumière que Beckett décrit toujours et pose comme une sorte de premier état d'où surgit une voix, dans ce noir de lumière, c'est bien l'azur, il le dit, l'azur qui paraît. Et l'azur qui l'entraîne effectivement vers le sud, parce que ce qui l'intéresse, c'est, vous l'avez dit, l'italien et aussi le français, je dis le sud de l'Angleterre. Qu'est-ce qui fait de lui un grand francophile très tôt finalement, Nathalie Léger? Alors, comme c'est un élève brillant à Trinity College, son professeur se démène pour faire en sorte qu'il devienne, c'est un poste très envié, qu'il devienne lecteur d'anglais à Ulm, à l'ENS. Et donc en novembre 1928, donc il a 22 ans, il débarque un beau matin à l'ENS, donc quand même dans le sein des saints de la culture française. Fasciné aussi par les avant-gardes, les surréalistes, il adore Breton, il adore Éluard, il adore Crevel. Oui, qu'il a ou qu'il continuera à traduire. Et dans ces deux années, de 28 à 30, qu'il va passer là, mais il va se dérouler quand même quelques éléments tout à fait fondamentaux, des amitiés majeures. Et puis ce lien essentiel, donc, à Paris, avec James Joyce. Mmh. Alors, il va aussi gagner, quand il est encore assez jeune, un concours de nouvelles qui va appeler Waroscope. Donc, c'est un mot inventé entre le war, qui signifie en anglais prostituée, et l'horoscope français. Donc, il arrive à créer comme ça des mots en franglais. C'était une nouvelle sur le thème du temps. C'est en 1930, peu de temps avant d'ailleurs que son lectorat ne s'achève, un ami, je pense, Thomas McGreevy, c'est lui qui lui a indiqué que le soir même, la date limite de rendu du poème de 100 vers, un poème. Pas un de plus, pour le concours lancé par Nancy Cunard et Richard Aldington, qui dirige la maison d'édition The Hours Press, eh bien voilà, deadline à minuit, il peut remporter la petite somme du prix. S'il rédige un poème, il glisse sous la porte au dernier moment ses 100 vers donc de Waroscope, qui mettent en scène Descartes. C'est un grand lecteur de Descartes, et il gagne le prix. Oui. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'humour, et puis on va le voir, je pense, tout au long de cette semaine, beaucoup plus que ce qu'on en a dit pendant des années. Quand il revient d'ailleurs à Trinity College pour être maître de conférence, il met en place une espèce de mystification autour d'un certain Jean Duchat. Racontez-nous ça, Nathalie Léger. Alors, ça fait partie des facéties, mais nombreuses, et d'ailleurs tout au long de sa vie, enfin facétie, ouais. Dans ses jeunes années, c'est un garçon quand même particulièrement à la fois ironique, mais on pourrait même dire sarcastique. La rencontre d'ailleurs avec Joyce lui donne le goût et la licence d'un grand hermétisme. Et c'est à l'œuvre dans ce canular, mais je crois que personne n'en était dupe, il fait une conférence sur Jean Duchat, un disciple de Jules Romain, adepte de l'unanimisme et du concentrisme. Notion qui évidemment n'existe pas, puisque Jean Duchat n'existe pas. Un personnage qui n'existe pas, mais qui lui permet de s'adonner à ce petit exercice de style devant une assemblée qui hésite entre le rire et l'interrogation. Et ça prouve aussi, c'est un des exercices de virtuosité de ce jeune Beckett. Toujours est-il qu'il ne se trouve pas très bien en tant que professeur à l'université. Bion a tout de suite décelé une très grande dépendance de Beckett à l'égard de sa propre mère, qui était veuve, et d'un frère plus âgé qui venait de se marier et qui avait donc quitté sa mère. Et sa mère réclamait de Beckett qu'il continue d'habiter chez elle, elle finançant, mais ne le finançant qu'à condition qu'il remplace le mari décédé. Et donc, cette dépendance acceptée au niveau conscient apparaissait à l'analyse comme refusée profondément au niveau inconscient et être à la source des symptômes respiratoires. Il en avait le souffle coupé, il ne pouvait pas dire non. Et puis, tous les autres symptômes pourraient être analysés dans cette perspective. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Se trouve pas bien à l'université, c'est aussi à cause du rapport compliqué qu'il entretient avec sa mère, on l'a dit, Nathalie Léger. On vient d'entendre un témoignage de Didier Anzieux, psychanalyste, qui considère dans son livre Beckett et la psychanalyse que l'écriture sera pour lui une forme d'analyse, justement. Est-ce que ça vous paraît juste de dire cela, Nathalie Léger? Face aux difficultés qu'il rencontre, elles sont réelles. Vous avez évoqué la mère, Didier Anzieux l'a fait. Les symptômes sont massifs, pourrait-on dire, pendant toutes ces années, et notamment à partir du moment où il quitte l'ENS et où il revient à Dublin auprès de sa mère, où cet enseignement le fait souffrir. Il ne se sent pas du tout à la place, hein, une place d'autorité, même s'il s'agit simplement d'être... Un refus de l'autorité chez lui. En tout cas, une difficulté à assumer cette position. Ouais. Et puis, surtout, de revenir dans la maison natale, des symptômes physiques, Didier Anzieux l'a dit, invalidant. Donc il est dépressif au point d'avoir des difficultés à sortir même de chez lui à ce moment-là. Oui, la dépression, l'oppression respiratoire, il a les suées nocturnes, les kystes, beaucoup de symptômes autour d'une angoisse, à tel point que l'un de ses amis, médecin, à un moment lui dit tout examen fait. Ce serait intéressant que tu puisses faire une analyse, et oui. lui recommande d'aller à Londres, puisqu'à l'époque, l'exercice de la psychanalyse en Irlande est encore peu développé, voire mal commode. Donc il s'installe à Londres, ceci c'est quand même après la mort de son père. Il y a un petit pécule qui lui permet de cette installation, et pendant 2 ans, il sera analysé par Wilfred Bion, qui est un jeune analyste à la clinique Tavistock, qui sera plus tard connu pour ses travaux sur la psychanalyse de groupe. Et je crois que ces 2 années, en tout cas Beckett l'a reconnu, il a toujours eu beaucoup d'estime pour Bion, même si ça n'a pas toujours été simple, mais ça a été un moment important, oui. C'est aussi le moment où il écrit quand même Murphy. Donc c'est là où on se repose la question de savoir s'il n'y a pas une autre façon de se psychanalyser, une façon déviée, qui serait celle de l'écriture. Il se trouve en plus que le personnage de Murphy est un infirmier dans un asile psychiatrique. Sans doute qu'il s'approprie là, bien sûr, quelque chose de son expérience. C'est une époque où il lit Freud, Jung, Adler, Rank, Jones... il va l'écouter, Jones, dans des conférences à Londres avec Bion. En 1934, au milieu de cette période, il publie un recueil de 10 nouvelles, More Pricks Than Kicks, chez Château & Windus à Londres. Et en effet, il écrit ce roman, Murphy. Incontestablement, l'écriture lui a permis d'élaborer lentement, mais je dirais très sûrement, quelque chose de sa, de la souffrance de vivre. Mais ce serait déjà trop résumé. Oui. Et sa personnalité, dont on n'a pas encore tout à fait parlé, même si on commence à la découvrir un petit peu, c'est Nancy Kennard qui disait dans les années 30 qu'on éprouvait près de lui la sobriété du désert. Et c'est vrai que c'est assez beau. Comment vous l'entendez, vous, cette expression? Alors, sobriété, en parlant de Samuel Beckett, c'est vrai que... Ou pas sur l'alcool, mais sur la parole, par exemple. Oui, il était rare de mots et fort de présence silencieuse, comme on l'a dit. Et cette rareté, c'est pas qu'elle en dise long sur la profondeur de son intériorité psychique, mais en tout cas, incontestablement, tous ceux qui l'ont approché, et notamment les femmes, ont pu dire... Peggy Guggenheim, qui lui... Peggy Guggenheim, voilà. Qui elle plaisait beaucoup, mais enfin, il a toujours refusé les avances de Peggy Guggenheim. Plus ou moins, il en a peut-être accepté certaines. Juste certaines, mais alors. En tout cas, au moment où il rencontre Peggy Guggenheim, vers 1937, c'est justement le moment où la rencontre en 1938 avec Suzanne Deschevaux-Duménil va se faire. Donc sa femme, celle qui restera sa femme jusqu'à la fin de sa vie. Nul doute qu'elle est su, puisque vous évoquez la question des compagnes, des femmes, des rencontres amoureuses, de la rencontre amoureuse. Nul doute qu'elle ait su accompagner ce silence, accompagner cette capacité forte de retrait. Ce silence qui n'était pas non plus de la sauvagerie. Il était pas du tout sauvage, il avait des amis, il aimait sortir, il aimait dîner, il aimait boire. Il y avait des époques où il buvait beaucoup. Moi, je l'ai connu après l'époque des grandes beuveries, mais il aimait toujours ça. Enfin, quand je dis sortir, c'était pas on n'allait pas danser ensemble. Il n'allait pas danser du tout, mais il s'intéressait à beaucoup de choses, que ce soit la vie politique du monde, ou le match de football ou de cricket, mais aussi le théâtre. Mais alors le théâtre, évidemment, c'était quand lui-même s'était mis à faire des mises en scène, parce que sinon il n'allait plus au théâtre. Il allait au théâtre avant qu'il n'écrive pour le théâtre lui-même, et après il n'y allait plus. Jusqu'au jour où il s'était mis à faire de la mise en scène, et là il allait au théâtre, il aimait travailler au théâtre, il le faisait à Paris avec et autour de Roger Blin et ensuite avec Pierre Chabert, et à Londres au Royal Court, et surtout à Berlin où il a beaucoup travaillé, et puis pour la télévision allemande aussi. Il aimait ce travail, il aimait le travail avec les gens. Mais il n'aimait pas aller au spectacle. Et d'ailleurs, même quand il avait lui-même fait la mise en scène, il allait jusqu'à la dernière répétition et c'était fini. Il n'allait pas à la première. Tout simplement parce qu'il y avait trop de monde. Take me now, for he is good and he is kind and he is mine. Alors dans ces années 30, Nathalie Léger, il y a aussi un voyage de 6 mois en Allemagne dont vous dites que c'est un périple mélancolique. Est-ce qu'il va noter et prendre conscience de ce qui se passe dans ce pays-là? Alors il connaît bien l'Allemagne puisque sa jeune cousine avec qui il a eu une idylle vivait en Allemagne. Il y avait fait de très fréquents séjours. Il parlait très bien l'allemand, couramment. Il a d'ailleurs traduit Godot en allemand. Mais là, c'est un voyage à nouveau pour fuir la mer. On est dans les années... Donc on est en 1936 et il se lance dans un immense périple de plusieurs mois, hein, où il va littéralement arpenter de Hambourg à Berlin, de Hanovre à Munich, en ne cessant au fond d'écumer des musées qui ferment leurs portes. Oui, hein. Parce que les nazis sont en train de nettoyer, entre guillemets, tous les musées d'Allemagne. En 36, tous les signes sont là, et d'ailleurs, beaucoup, pas suffisamment, beaucoup fuient déjà. C'est très étonnant de voir comment lui se rend dans ce pays qu'il connaît, qu'il aime, Et naturellement, rien de son existence ne laisse de doute sur ce qu'il a pensé du nazisme. Il a observé au cours de ce voyage tous les signes d'un dispositif de terreur en train de se mettre en place. Et ça l'a peut-être quand même sensibilisé à ce que c'était que l'horreur nazie, ce qui va faire que, alors qu'il n'en fera pas tellement la publicité plus tard, ce sera en France, lui qui n'est pas français, un grand résistant, ou en tous les cas un résistant incontestablement un résistant, oui. Qui a traduit, donc, alors qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre? Un grand résistant. Je dirais que il a fait passer des messages. Dès septembre 41. Après, non, c'est parce que pendant l'exode, il fuit Paris avec Suzanne, et c'est un voyage, mais comme pour tous à l'époque, un voyage, la déroute, enfin, un voyage très, très difficile. Où il s'installe dans le Vaucluse. Très, très douloureux, ça c'est l'exode. Puis quand il revient à Paris, donc fin août 40, dès le mois de septembre, il rejoint le réseau Gloria, qui est un réseau qui a été fondé par Jeannine Picabia, la fille de Francis Picabia, et qui est un réseau qui est lié au Bureau des opérations spéciales de Londres. Donc il s'agit, à travers environ 80 agents, hein, c'est ce qui compose le réseau, il s'agit de faire remonter de l'information de partout sur le territoire français. Il faut la compiler, c'est ce que fait notamment, il ne devait pas être le seul, mais avec beaucoup d'efficacité, il faut la compiler, la synthétiser, la traduire, et puis il l'emmène à un reprographe qui la réduit, ça finit, voilà, dans des boîtes d'allumettes, son rôle est tout à fait décisif. Oui, et puis il prend des risques, parce qu'il se trouve aussi au milieu de gens, d'amis qui sont arrêtés. Il prend des risques. Plusieurs de ses amis sont arrêtés, sont morts en déportation, et ça a été quelque chose de fracassant, d'autant que son réseau, ce réseau, Gloria, a été infiltré par un prêtre, le fameux figure diabolique, hein, ce vicaire de la paroisse Saint-Hilaire qui a dénoncé Germaine Tillion, hein, et permis le démantèlement du réseau de l'homme. Ben c'est dans cette foulée-là que le réseau Gloria est démembré. Il y a 50 membres tombent, et dans la nuit, Beckett et sa femme sont informés et ils fuient. C'est là qu'ils se réfugient, à Roussillon. Après un périple, il fuit sans moyens, hébergé par Nathalie Sarraute. Enfin, c'est une épopée. Et alors, il va accélérer son œuvre à ce moment-là. Et après-guerre, on a l'impression que c'est une sorte de feu d'artifice littéraire. Il écrit coup sur coup Molloy en 47, Malone meurt en 48, L'innommable en 49, la pièce Le Seria, et ensuite, en attendant Godot, en 47 et 49. Il y a aussi des nouvelles, il y a aussi des poèmes. C'est là vraiment la grande explosion pour Beckett. Tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'analyse, l'engagement dans la résistance, l'épreuve de la clandestinité à Roussillon, la mort d'un père, la maladie de la mère, hein, qui au fond autorise un autre régime à leur relation, qui permet peut-être cette maladie de dire l'amour. Tout ceci, semble-t-il, à un moment, permettent une libération, hein, et ça se passe en 46, dans cette cristallisation, vous avez raison, le mot est juste, dans cette cristallisation qu'il a à la fois commentée et dont il a laissé témoignage dans l'œuvre, et en particulier la dernière bande, et il dit, voilà, lumière, quelque chose sous la forme d'une révélation, d'une vision, dit-il, et la certitude qu'il doit engager quelque chose dans l'écriture, qui est justement à l'inverse du modèle joycien, et qui va lui permettre, en investissant la soustraction et non pas le surplus, en investissant la pauvreté de la forme, qui va lui permettre de dire. Donc il invente une forme, mais c'est pas pour ça qu'il va trouver un éditeur, surtout qu'il en charge pas tellement. Heureusement, il y a sa femme, Suzanne, qui va finir par déposer les manuscrits chez Jérôme Lindon. ça a été pour moi la date la plus importante de ma vie d'éditeur. Le moment où tout à coup je me suis rendu compte que, alors j'étais éditeur depuis quelques années déjà, le moment où je me suis rendu compte que j'allais pouvoir éditer quelque chose de très grand, quoi. Quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et rendu encore plus extraordinaire par le fait que j'ai appris, mais plus tard, que c'était des livres qui n'avaient pas été jugés extraordinaires par d'autres lecteurs du métier. Et ça m'a beaucoup étonné, mais encouragé. Vous savez, on n'a pas besoin d'en lire 10 oui, pages, on n'a pas besoin d'en lire même une page. On voit dès la première ligne, les premières lignes de Molloy, c'est quelque chose que, enfin, on ne sait pas, on entend cette voix, ou elle vous touche pas. Mais enfin, moi, disons qu'elle m'a touché. Jérôme Lindon qui était interrogé dans cet archive par Roger Vrigny. C'est donc lui qui édite Beckett. Enfin, il va racheter aussi les droits du premier roman qui n'avait pas du tout marché. D'ailleurs, ces romans-là ne marcheront pas non plus. En tout cas, pas au début. Il faut quand même rendre aussi à Beauvoir ce qui est à Beauvoir, parce que c'est elle qui a publié un des premiers textes aussi de Beckett avant Lindon en 1946. Hein, c'était dans les temps modernes. En revanche, elle a refusé la seconde partie de ce même texte. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur le rapport avec Sartre, Beauvoir, cette partie-là de la France intellectuelle ? Peu au fond, si ce n'est que Beckett, dans tous les moments qu'il a passé à Paris, rapidement n'a plus été un inconnu. Donc il publie dans beaucoup de revues anglaises, il publie des poèmes, il publie quelques extraits, notamment dans la NRF. Reste que la rencontre avec Lindon, la manière dont ce jeune éditeur, hein, il a 25 ans quand il rencontre un Beckett de 44, hein, à peu près, dans les années 50, c'est ça. Reste que la lecture par Jérôme Lindon de l'œuvre a opéré une transformation radicale. Enfin, là, une c'est soudainement la rencontre entre un éditeur et un auteur. Il n'y a pas de Beckett sans Lindon, selon vous ? Alors, on pourrait aussi... c'est difficile de dire qu'un auteur puisse exister sans son éditeur, en effet. Donc c'est une rencontre tout à fait majeure, parce qu'on peut écrire toute sa vie durant, s'il n'y a pas un moment, un Lindon ou un... Mais il n'y a pas de Beckett sans Suzanne, non plus. Parce que par sa détermination à accompagner l'œuvre, elle faisait ce que Samuel Beckett ne pouvait faire, c'est-à-dire le tour des maisons. Mais on pourrait aussi dire pas de Beckett sans Blin. Parce que cette conjonction quand même extraordinaire, Molloy en 1951, Malone meurt en 52, Godot en 53, l'innommable également en 53, et au milieu 13 textes, dits textes pour rien, enfin oui, fécondité et capacité de réception, même si les lecteurs de Molloy n'ont pas été milliers, centaines de milliers, mais soudain, la réception par quand même Georges Bataille, la réception par Blanchot, et puis le succès on ne peut pas dire populaire, mais en tout cas le grand succès du public de Godot, le scandale et le succès, tout ça permet à Beckett d'être sans doute plus sûr. On écoute justement ce que disait le metteur en scène Roger Blin, qui a donc lui aussi permis cette cristallisation et cette émergence de Beckett au micro de Harold Portnoy en 1963. Il y avait une nouveauté de ton. Dans le dialogue même, ce dialogue qui est totalement journalier et totalement simple comporte entre les lignes un monde entier. C'est une sur les pièces qu'il faut lire entre les lignes, c'est-à-dire que ça paraît absolument simple, mais la façon dont c'est banalité est justement souvent faite de phrases toutes faites, d'imitations d'un certain langage, petit bourgeois ou de l'argot avec des échappées plus poétiques. Ce langage est trompeur et il arrive que la rencontre de ces banalités, de ces phrases toutes faites explose dans quelque chose de très déchirant, parce que à peu près chaque mot comporte sa critique, comporte sa propre parodie. Et c'est ainsi que le rire et les larmes sont absolument mêlés, je ne dis même pas dans la phrase même, mais dans les mots. Est-ce que vous diriez, Nathalie Léger, que à partir de Godot, la biographie se confond finalement avec l'œuvre en ce qui concerne Beckett? Il y a une absence d'aventure dans la première partie de la vie, mais il y a quand même des jalons qui se posent. Et après, on a l'impression d'une disparition complète. C'est peut-être pour ça qu'on ne devrait pas faire d'émission biographique sur Beckett, mais on doit le faire quand même. Il y a une espèce de disparition derrière l'œuvre de Beckett. En tout cas, dedans, oui. Parce que, à la fois, il y a l'entreprise d'écriture qui le retient plus que jamais, mais il y a aussi celle du théâtre, de la scène. Et Tom Bishop, tout à l'heure, parlait de sa capacité d'amitié. Et il a raison, nul plus amical que l'était Samuel Beckett, plus curieux des autres, plus attentif, plus généreux. Alors est-ce qu'il recevait dans sa petite maison d'Ussy, parce qu'il faut raconter un petit peu ce que c'était que cette espèce de bloc avec des fenêtres percées de manière non symétrique ou bizarrement symétrique. Mais il découvre Ussy avec Suzanne en 48, au début il loue, et puis après avec le succès de Godot, il va faire bâtir un petit cube de parpaing. Avec un mur de parpaing aussi tout autour. En tout cas, une petite maison avec une petite pelouse et un immense paysage. Et il s'y réfugiera tout au long de sa vie. C'est un lieu d'écriture essentiel. Je ne suis pas sûre qu'il y ait convié beaucoup d'amis. En revanche, les amis, il les voit à Paris. Et puis surtout, il y a ces communautés théâtrales partout dans le monde qui s'organise autour de son œuvre. Alors, au début, il accompagne le travail de mise en scène, et notamment celui de Roger Blin. Mais rapidement, finalement, il va lui-même mettre en scène. Et le soin qu'il va apporter à la direction des acteurs sera le même qu'il a apporté, qu'il apporte à la scansion, à l'équilibre de sa phrase. Et il va engager là, quand même, des aventures formelles tout à fait majeures, avec une relation à la technique, hein, qui s'incarne dès la dernière bande avec le magnétophone. Dialogue entre le magnétophone et un théâtre, l'acteur. Voilà, un théâtre appareillé qui est au fond comme une forme de, je dirais pas de réponse, mais de contrepoint à ces corps défigurés, empêchés, ces Winnie enfoncés dans sa dune, dans son mamelon. Ce sont les personnages de fin de partie, les parents dans les poubelles, toutes ces figures empêchées d'une part, et puis par ailleurs, toutes ces formes machinées. Alors le prix Nobel, qu'est-ce que ça peut changer pour un homme aussi retiré que Beckett? On dit que sa femme, Suzanne, est devenue extravagante à la suite de ce prix Nobel, mais lui, il n'a pas dû bouger beaucoup. C'est sans doute une méchante rumeur d'ailleurs, mais ça ne change rigoureusement rien, si ce n'est quand même un peu d'angoisse pour lui comme pour Suzanne, à l'idée de devoir faire face au succès démentiel, hein, et c'est une figure Beckett qui a toujours par la force, par la puissance de son œuvre, mais aussi par, disons-le, aussi par la beauté de sa figure, hein, de sa stature, qui a toujours fasciné. Il est toujours l'objet de demandes innombrables, la presse, mais pas seulement. Et donc ils ont craint beaucoup. Et jusqu'à sa mort en 1989, il y aura des sollicitations. On en parlera évidemment dans le reste de la semaine. Merci beaucoup Nathalie Léger. Je renvoie nos auditeurs sur votre livre. Il s'appelle « Les vies silencieuses » de Samuel Beckett et il est publié aux éditions Alia. Tout de suite la chronique. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Une chronique qui nous est proposée aujourd'hui par Gauthier Amiel, doctorant césiémiste, mais également danseur et lecteur de Samuel Beckett. Bonjour Gauthier. Bonjour Mathieu. Oui, donc aujourd'hui j'aimerais vous parler, peut-être dans la suite de ce qui s'est dit à la fin de cette belle émission, vous parler des corps de Beckett. Alors pas celui de Beckett lui-même, même s'il y aurait sans doute des choses à dire, mais bien des corps que l'on trouve dans son œuvre littéraire et surtout dans son théâtre. Les corps de ses personnages, mais aussi leurs déplacements sur scène, leurs mouvements, m'ont en fait dès mes premières lectures pas mal intrigué et je sentais que quelque chose se jouait de l'intérêt des pièces dans ces corps et leur rapport à la langue aussi qui m'a un peu troublé. Et en fait c'est la chorégraphe Maggie Marin qui est venue un jour un peu éclairer ma lanterne. Alors dites-nous, comment la danse peut-elle venir en aide aux lecteurs pour comprendre ces textes de Beckett qui ne sont quand même pas tout à fait des livrets de ballet? Eh bien, alors en fait, c'est en 1993, lorsque Maggie Marin crée sa pièce Maybe, qui s'inspire de l'univers de Beckett, elle revient dans différentes interviews sur son rapport au dramaturge, et elle met en lumière la spécificité de la place des corps beckettiens sur scène, en tout cas pour elle. Et elle remarque à ce titre que Beckett, je la cite, « donne beaucoup de notes dans lesquelles le geste, qui n'est pas la danse, ou le déplacement, est complètement intégré à la pièce, à la mise en scène et au rythme des mots. » Donc ces déplacements l'ont intéressé parce qu'ils deviennent à la fin de la carrière de Beckett la matière même de son théâtre, hein, avec les pièces comme Actes sans parole, Nacht und Träume, ou encore une pièce que j'aime beaucoup qui s'appelle Quad, qui met uniquement en scène le déplacement répétitif, mécanique et géométrique de quatre personnes sur un plateau carré, laisse bien deviner qu'il y a derrière le Beckett dramaturge un Beckett chorégraphe ou presque. Et je crois que cela doit nous inviter à relire son œuvre depuis le corps de ses personnages et leurs mouvements, mais également en se focalisant sur les liens qui existent entre ses corps et le texte dit, c'est-à-dire la parole. Et donc c'est ce lien en fait qui m'a vraiment intéressé grâce à une série de ce que j'appelle d'échecs, un espace de jeu, un lieu de friction qui vient revitaliser à mon sens le théâtre. Alors justement, il faut revenir sur ces échecs, sur cette friction que vous pensez donc être très important pour le théâtre de Beckett. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Gauthier Amiel? Oui, alors je pense que ça sera plus clair si je prends tout de suite un exemple. Dans En attendant Godot, et ça me permet de faire le lien avec la danse, Vladimir, un des personnages de la pièce, annonce un peu courroucé qu'il est tout à fait capable d'imiter les mouvements dansés que vient d'exécuter Lucky, qui est un autre personnage. Ce faisant, la didascalie dans le texte nous indique que Vladimir manque de tomber. Et tout le jeu donc qui m'intéresse apparaît dans ce pas raté, dans cet échec représentatif de ce qui se passe en fait à plusieurs reprises dans toutes les pièces. D'une part, donc, les corps des personnages, souvent empêchés, handicapés, ne parviennent pas à faire ce que les personnages voudraient. Et d'autre part, ils sont comme l'écho des ratés de la parole. Je m'explique, de la même manière en fait que Vladimir rate son pas alors même qu'il avait annoncé qu'il était tout à fait capable de le réaliser, d'autres personnages beckettiens n'arrivent pas à allier paroles et actes. C'est très clair avec Ham dans Fin de partie ou Winnie dans Oh les beaux jours qui n'arrivent pas à contrebalancer leur impuissance physique par une parole tyrannique. Leur discours n'a apparemment en fait que peu de pouvoir sur ce qui se passe sur scène comme leur corps. Ces échecs, en fait, l'impossibilité de faire ce que l'on veut ou ce que l'on dit, est véritablement ce qui ouvre cet espace de friction sur la scène de théâtre. Alors que le corps et la parole, d'un point de vue purement pragmatique, avouent leur échec, les ratés qu'ils occasionnent permettent de relancer ou d'entretenir la machine théâtrale. On le voit très bien lorsque Clove, dans Fin de partie, ne comprend pas âme et confond l'adjectif quoi, dans l'expression se tenir quoi, calme, avec le nom coït. Le dialogue de sourd, tragique, rempli de silence et de ses petits échecs conversationnels se transforme en un quiproquo comique qui relance un semblant, vraiment un semblant d'intrigue et d'échange entre les deux personnages. De même, la propension quasi pathologique de Vladimir et Astragon à ne pas faire ce qu'ils disent, c'est-à-dire partir, quitter la scène, est ce qui assure simplement l'existence de la représentation théâtrale. Donc on le comprend, chez Beckett, pour paraphraser John Austin, dire n'est pas forcément synonyme de faire, voire même dire revient à faire et dire autre chose que ce qui était attendu. Par là donc, je crois qu'une certaine inefficacité du langage parlé et des corps est ce qui fait la vivacité des pièces. Le travail de Beckett, à mon sens, est fondé sur ce jeu où l'échec des personnages permet le succès du théâtre. Merci Gauthier Amiel d'avoir souligné pour nous la fécondité de l'échec, mais en particulier chez Beckett. À très bientôt. C'était C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Hélène Rivière, Léa Sabourin et Jean-Guilain Maëch. Demain, on reparle de Beckett, et oui, des romans en particulier, ainsi que de la question du bilinguisme de l'écrivain.